le meilleur et pour le pire, pour le pire, lorsque l'heure a sonné, d'aller s'embarquer. Il n'y a qu'un désir.